À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, les formations et les personnalités de divers pays ont publié le 9 courant les déclarations ou entretiens. L'Association britannique d'études de la politique de Songun, le Cercle britannique d'études des idées du Jeté, l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et le comité préparatoire britannique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Baekdesan 2017 ont publié une déclaration commune. Et le secrétaire du comité régional de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar, membre du comité central du parti, et le président d'honneur de l'Union des communistes bulgares ont publié chacun un entretien. Ils ont exalté les exploits immortels du général Kim Jong-il pour l'édification du Parti Travail de Corée.